Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 5 mai son décret numéro 1124 sur la remise du prix Kim Il-sung et du prix Kim Jong-il au chant thème éternel du socialisme. Nous n'avons plus rien à envier au monde. Chef-d'œuvre qui symbolise et représente l'époque du Parti du Travail de Corée à l'occasion de son historique 7e congrès.